scénariste, Ndikoma Nyanga. Albert Douayeux de l'autre côté de la vitrine et bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganiro Ouassou, journal dont voici d'abord les principales articulations. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom, estime que la société civile burundaise a un grand rôle à jouer dans la réalisation de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Dans un atelier que cette organisation a organisé ce mardi, son président a rappelé que le développement du pays intéresse tout Burundi. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique relance l'inscription des finalistes du secondaire aux premières années de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure NS, après avoir constaté que le même appel du 27 octobre de cette année n'a pas été répondu favorablement. 5 médailles, dont 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, ont été décrochés par les judokas burundais qui ont participé dans les compétitions africaines Jeux Open de Dakar et Jeux Open de Yaoundé. Et le directeur technique national au sein de la Fédération burundaise de judo fait savoir que 3 judokas burundais vont participer dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et la chronique santé de ce mardi axe sur la vasectomie, une méthode de limitation des naissances chez les hommes. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par la page justice. 8 personnes, toutes de la même colline, Kinyana, sont depuis ce lundi au cachot de la police judiciaire d'Ngouzi. Ces détenus seraient responsables de la mort d'un homme retrouvé mort ce même lundi dans la matinée, tout près de la clôture du lycée Don Bosco en commune Ngouzi. Selon l'administrateur de cette commune, cet homme, jusqu'ici non encore identifié, aurait été tué et soupçonné de bandit. Son corps est pour le moment à la morgue de l'hôpital de référence d'Ngouzi, où l'administration attend toujours qu'il soit reconnu. L'administrateur Joseph Martin Boutchoumi indique qu'en cas de non-identification, la commune prendra la décision de son inhumation pour éviter sa décomposition. Page éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique porte à la connaissance du public en général et aux lauréats de l'examen d'État édition 2022-2023 que les portes sont toujours ouvertes pour se faire inscrire dans différentes facultés. Dans un communiqué rendu public ce lundi 20 novembre, le ministre François Havdalimana a indiqué que cela fait suite au fait que ces lauréats ne se sont pas fait inscrire conformément au communiqué du 27 octobre de l'année en cours. Le nouveau communiqué souligne que les notes minimales exigées ont été également revues à la baisse pour chaque section et que les filières de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure disposent encore des places disponibles. Le point avec de Oreb Ingabiti. Comme il est précisé dans ce communiqué, les notes minimales exigées pour chaque section ont été revues à la baisse, et cela pour les lauréats de l'examen d'État édition 2022 autant que ceux de 2023. Pour les lauréats de l'examen d'État édition 2022, la note qui a été fixée à 63,5% a été revue à 50%. La note requise pour la section langue est de 52,1%. Cette note était fixée à 59,1% le 27 octobre dernier. La note requise pour la section secrétariat est de 50,9%. Celle qui était requise était de 62,2%, comme on pouvait le voir dans le récent communiqué de ce ministère. Celle de la section génie rural est établie à 50,6%, alors qu'elle était relevée à 65,5% pour ses lauréats de l'examen d'État édition 2022. Pour les lauréats de l'examen d'État 2023, cette section de génie rural requiert une note de 50,8%. Elle était fixée à 63,6%. Le ministère de l'Éducation a établi une note de 50,7% pour la section secrétariat au moment où cette dernière demandait une note de 64,8%. La note de la section maths physique, qui était à 59,9%, a baissé jusqu'à 50%, tandis que la section des langues requiert une note de 51,6% contre 54,9% qui était fixée le 28 octobre dernier. Dans le communiqué rendu public ce lundi 20 novembre, le ministre François Havzalimana a expliqué que cela est dû au fait que certains candidats ne se sont pas présentés pour se faire inscrire. Ainsi, ce ministre a appelé le directeur général de l'École normale supérieure ENES et de l'Université du Burundi à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne coordination du processus d'orientation et d'accueil de ces lauréats. Rappelons que l'année académique 2023-2024 a débuté le 6 novembre dernier. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page économie à présent, je vous le disais en titre, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques estime que la société civile burundaise a un grand rôle à jouer dans la réalisation de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Dans un atelier organisé par le dit observatoire ce mardi, son président Gabriel Ussili a rappelé que le développement du pays intéresse tout Burundais. Il a souligné cependant que la constitution de la République du Burundi le garantit. Gabriel Ussili, président de l'ORICOM. Comme vous le savez, le président de la République a donné un taux. C'est nous les Burundais de prendre le taureau par les cornes en donnant des contributions. Par ailleurs, c'est une obligation constitutionnelle. La constitution burundaise nous exige, nous recommande à contribuer en vue d'avoir un pays développé. C'est pour cette raison que nous organisons ce jardin d'échange. Souvenez-vous la stratégie que le président a mise en place, c'est d'abord de réunir tous les intellectuels, d'abord les experts, mais plus particulièrement tous les intellectuels, tant burundais qu'étrangers, envie de donner des contributions constructives. Mais aussi la société civile dans son ensemble, dans sa diversité, doit donner sa contribution. Que ce soit au niveau d'abord de l'élaboration des documents stratégiques, de la mobilisation de fonds, mais aussi dans le contrôle, donc le suivi et l'évaluation. Toutes les étapes, la société civile doit contribuer. C'est notre mandat dans nos organisations respectives. C'est pour cette raison que nous nous réunissons. C'était là Gabriel Ussili et dans ses propos recueillis par Jean Dodieu, il a causé plusieurs enjeux définissent la situation de manque de devises au Burundi. L'expert en économie cite notamment la gestion opaque de ses billets par l'entretien non contrôlé du monopole de certains commerçants en plus du contexte socio-économique actuel. Diomède Ninhérété explique que le manque de suivi donne le poids sur le marché noir. Il intervient après que le président de la République ait demandé aux institutions financières au Burundi de veiller à l'utilisation des devises au Burundi. Suivez Diomède Ninhérété, professeur expert en économie. La pénurie des devises, elle est bien expliquée si on fait référence au contexte actuel. Depuis 2015, le Burundi fait face à une pénurie des devises parce que la coopération internationale qui appuyait à plus de 50% le budget s'est détériorée. La croissance économique, elle a chuté de 2%. On exporte le tiers de ce qu'on exportait à l'époque. Autrement dit, les devises ont chuté de 3 fois par rapport aux revenus qu'on avait avec le télocarburant. La troisième chose, c'est notamment la gestion opaque de ces devises. Parce qu'à un certain moment, on a donné le monopole pour certains commerçants. Les commerçants ont créé des pénuries par une simple spéculation en mettant les devises sur le marché noir. On ne pouvait pas imaginer comment aller probablement importer un produit ou un service à l'étranger où on a l'espoir de gagner 10% ou 15%, alors que sur le marché noir des devises, on peut gagner facilement 40% à même 30%. Maintenant que les devises sont rares, donc Maintenant qu'on n'a pas de devises sur le marché, certainement que les devises sont chères. Quand la BRB dit que c'est 2 800, au moment où tout le monde sait que c'est plus de 4 000, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, les gens continueront à faire des spéculations. Parce que plus le produit est rare, plus le produit est cher. Selon toujours cet expert, pour permettre la traçabilité de ses devises, quelle que soit sa masse, la banque centrale doit se convenir avec les banques commerciales sur les produits stratégiques susceptibles d'être financés en devises compte tenu de la liste actualisée des commerçants bénéficiaires, afin de pouvoir gérer à prix égal le marché parallèle de ces devises. La pauvreté dans les familles, la séparation des parents sont quelques-unes des raisons qui font que les enfants vivent dans des conditions difficiles. Ce sont les dires des enfants rencontrés au dépotoir de Boutelele au quartier Nyarumanga ce lundi et signalent qu'ils passent le temps à chercher de quoi manger dans cet endroit. Les autres disent qu'ils ont abandonné l'école suite au manque de frais scolaires. Côté administration, Serge Hategekimana, chef de zone Boutelele, précise que son comportement est devenu monnaie courante. Pour éradiquer ce fléau, cette autorité interpelle la mairie de Bujumbura et le Bouha a clôturé cet endroit pour barrer l'accès à toute personne étrangère. Reportage de Jean-Marie Mayonk. Mbanje kurondera ubuzi hama turabe yuko twarara turi barondanye n'ibintu baba baje kumena badutoranye ibodoka tukagurisha tukanwa mahere. Ce sont des enfants rencontrés au dépotoir situé à Buterere au Serire Nyarumanga où sont déposés les déchets ménagers provenant de différentes zones de la mairie de Bujumbura. Ces enfants disent qu'ils passent le temps à chercher de quoi manger et à vendre. Certains de ces enfants expliquent qu'ils ont abandonné l'école suite à la pauvreté dans leur famille et manque de frais scolaires. Je cherche la vie ici pour voir si on peut avoir de quoi manger. C'est parce que j'ai manqué les frais scolaires deux fois. Je trouve ici des morceaux de pommes de terre qu'on mange le soir. Ça ne va pas. Je suis venue ici pour chercher de quoi manger. On y trouve du charbon et des pommes de terre que je vends ou que je consomme. Nous n'avons pas d'argent pour aller à l'école. Dans cet endroit, on y trouvait des enfants composés de filles et des garçons, dont l'âge est compris entre 5 et 15 ans, qui devraient être à l'école. Ils demandent aux bienfaiteurs de les venir en aide pour être au banc de l'école comme les autres enfants. Au sein de l'administration, Serge Ategekimana, chef de zone Buterere, indique que son comportement est devenu comme une habitude et a demandé à la mairie et à Roboa de clôturer cet endroit. La majorité des jeunes y passent assez de temps. Même les personnes adultes, on les trouve dans cet endroit à la recherche de nourriture et d'autres objets. Pour les gens qui habitent à Nyarumanga, le nombre des enfants qui abandonnent l'école augmente du jour au jour. Nous avons demandé à la mairie de Bujumbura et à Roboa pour y placer la clôture afin d'empêcher les gens d'y fréquenter. Ce dépotoir de Buterere était prévu que ça soit placé dans un autre endroit dans la province de Bubanza, précisément à Muzinda, mais jusqu'à présent, aucune activité a été réalisée. Merci à Jean-Marie Mayonga. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Cap sur Gitega, où certains jeunes entrepreneurs à petites et moyennes entreprises demandent et que le paillage réponde plutôt en temps réel à leurs demandes de crédit afin d'accroître la production des produits à présenter dans des foires expositions qui sont organisées. Ils ont dit cela ce mardi dans la capitale politique Gitega, dans une foire exposition organisée par le ministère du Commerce pour l'accélération de l'industrialisation par les petites et moyennes entreprises. Le directeur général en charge du développement des industries au ministère du Commerce a indiqué que ce secteur connaît encore beaucoup de défis comme des crédits insuffisants, n'est-ce pas Arthur Kavabouchi? La foire exposition qui réunit les petites et moyennes entreprises a pour objectif l'accélération de l'industrialisation par les petites et moyennes entreprises. Cependant, certains participants trouvent que le paillage devrait répondre à leurs doléances en temps réel en leur octroyant des crédits comme Diomède Bissinda qui fabrique des assiettes dans le bois, l'Audi. Le représentant du paillage dans la commune Kayanza nous a dit que pour avoir le crédit, nous devons écrire une lettre. Nous l'avons fait et envoyé électroniquement comme on nous l'a indiqué. Mais il y a un mois et demi, nous n'avons pas encore eu de réponse. Alors qu'il y a une foire sous-régionale d'ici le mois de décembre et nous voyons qu'on présentera peu de produits. Quant à Raranakome qui transforme de l'huile à partir de l'eucalyptus, il indique que l'État devrait aider dans la croissance de la production. L'environnement des affaires n'est pas bon, le pouvoir d'achat n'est pas élevé, les gens n'achètent rien. Nous demandons au gouvernement de nous appuyer pour qu'on puisse produire beaucoup. Le directeur général AI du développement des industries au ministère du Commerce, de Gracias Nahumuremi, a affirmé que le secteur industriel au Burundi connaît des défis comme des crédits insuffisants. Le secteur de l'industrie au Burundi connaît beaucoup de défis. Le manque de bâtiments publics, le manque d'électricité, le réseau routier en mauvais état, le manque d'Internet, les crédits insuffisants, le manque de matières premières qui doit venir de l'extérieur, ce qui est un défi majeur. Cette foire exposition qui a débuté ce mardi dans la ville de Gitega, à un endroit appelé Kumuganuro, va se clôturer ce samedi. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi, Radio Sanganiro. Merci à Arthur Kavabushi. Page sport maintenant, 5 médailles d'or. 5 médailles, dont 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, et le bilan de médailles décroché par les judoka burundais dans les compétitions africaines, Jeux Open de Dakar, Jeux Open de Yaoundé. Lors de leur arrivée à l'aéroport international Melchior Ndadaye ce mardi, Karabagega Paterne, directeur technique national au sein de la Fédération burundaise de judo, a fait savoir que les judoka burundais Raoul Nganji, Signodine Kanyamuneza et Sierra Niragira ont déjà obtenu les points suffisants pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Suivez plutôt Karabagega Paterne, il est DTN au sein de la Fédération burundaise de judo. Nos judokas qui viennent de rentrer avec 5 médailles viennent de 2 compétitions appelées Open. Ce sont des compétitions qui sont organisées au niveau des continents, mais qui sont, tout le monde peut participer dans ces compétitions. Ce sont des compétitions qui donnent accès à des points permettant à nos judokas, à nos compétiteurs de totaliser le nombre de points nécessaires pour la participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ça permet à nos judokas d'élever leur niveau technique. Bon, actuellement, ceux qui sont en avant concernant le nombre de points, c'est Sierra et Signorine. Il y a aussi Raoul, mais les deux filles sont plus avancées quant au nombre de points. Sinon, tout le monde est concerné pour la participation de Paris 2024. Sinon, il faut totaliser le nombre de points et ça demande une participation régulière. Donc, ne pas s'absenter dans les compétitions, participer dans toutes les compétitions qui restent et comme ça, augmenter les chances de participer dans les Jeux Olympiques de Paris. Sinon, si vous ratez une ou deux compétitions, vous perdez des points, jusqu'à la moitié des points même. C'est le Comité international olympique via la solidarité olympique qui se charge de financer la participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, le budget est déjà là. Radio Isanganiro, chronique santé. Après l'intervention chirurgicale de la vasectomie, il est déconseillé de reprendre une activité physique durant quelques semaines. Donavine Ouimana, experte en santé sexuelle et reproductive, tient à souligner qu'il n'y a pas d'effet négatif sur la sexualité de la personne opérée. Elle recommande aux gens d'éviter de suivre les rumeurs autour de la vasectomie, qu'il faut plutôt approcher les formateurs sanitaires. Chronique santé avec Ornella Mucho. Il n'y a aucune opération destinée à annuler la vasectomie car jusqu'à présent, elle est irréversible. Précision de l'expert en santé sexuelle et reproductive de Navine Ouimana. Elle informe aussi qu'après l'opération, il y a des conseils donnés pour éviter de traumatiser la zone génitale. Après l'intervention, comme on fait des petites incisions, donc là, on attend juste 3 jours pour qu'il y ait une cicatrisation. Et puis, il y a des conseils qu'on donne à l'homme pour justement ne pas traumatiser la zone génitale. Par exemple, on lui recommande de ne pas aller à vélo, donc dans l'immédiat. Mais sinon, on n'a pas vraiment de complications liées à l'intervention. Contrairement aux idées reçues, la vasectomie n'affecte pas la sexualité, affirme-t-elle. En général, les gens ont la préoccupation justement des conséquences sur la sexualité, mais il n'y a pas de perturbation de la sexualité après la vasectomie. Plutôt, les témoignages des hommes qui ont fait la vasectomie attestent que la sexualité s'améliore après la vasectomie parce qu'il n'y a plus de risque d'engrosser la femme. Donc la sexualité en général, elle s'améliore. On n'a pas eu, depuis qu'on a commencé la vasectomie, des cas où les hommes qui témoignent se plaignent d'une conséquence négative par rapport à la sexualité. C'est plutôt des témoignages positifs. En cas de doute, elle recommande aux gens d'approcher les formations sanitaires au lieu d'écouter les rumeurs. D'une façon générale, on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de la vasectomie. Donc, on recommande aux hommes ou aux couples ou même aux femmes qui ont des préoccupations par rapport à la vasectomie d'approcher les formations sanitaires pour qu'ils aient des explications éclairées. Il y a des agences de santé communautaires qui sont dans tout le pays, qui sont aussi orientées, qui peuvent les référer vers les centres, donc qui font la vasectomie pour avoir des explications par rapport à cette méthode. Et aussi, les gens qui n'ont pas l'information, de ne pas diffuser les fausses informations, les rumeurs, qui disent que la vasectomie équivaut à la castration, ce qui n'est pas correct. Donavine Ouimana, expert en santé sexuelle et reproductive, indique que pour l'an 2023, la BOBF a déjà enregistré plus de 244 hommes qui ont fait la vasectomie. Voilà, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaye pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Restez branchés sur nos antennes.